facile de mener une vie de chien que les maudits respirer pour rien. Pourquoi le salariat nous éclaire? Sa lumière est source de vie. Si facile de trouver des raisons pour voler, blesser, tuer n'importe comment. Pourquoi? Si facile de trouver des ennemis à juger, à y chasser pour une patrie. Pourquoi? Passe sans aucun mépris. Quoi qu'on fasse, le temps passe à l'infini. Facile de croire que le monde est trop noir et qu'il suffit d'avoir un peu d'espoir.